affirme qu'il va construire 500 000 logements. Il est bien évident que les critères sociaux égalitaires, voire même quelquefois bénéficiant d'une certaine promotion pour les étrangers, n'est-ce pas, d'une espèce de discrimination positive, eh bien ces 500 000 logements seront attribués forcément à des étrangers. Monsieur le maire, nous on sait que tu nous mens quand tu promets aux gens des logements ou des appartements. Ici c'est pas le zoo, ni le cirque Alexis Grus. Alors mets-toi dans la nuit, tes tables de ping-pong et tes abribus. Tu sais, y'a trop de dossiers quand tu suis, c'est pas Le Pen qui nous bloque l'accès en boîte de nuit. J'ai le regret de te dire que malgré les papiers français, je suis invisible en télé, inexistant à l'Assemblée. Hey, comment veux-tu que je reste calme quand tu propages sans retenue ta haine et quand tu casses les miens dans des logements indécents? En plus tu te planques derrière ta république, tu nous écartes de tes quartiers chics, sans écart avec les cafards shit qui nous écartent. Oh shit, je tape pour l'État, donne-moi ce que je mérite. La présence d'une masse immigrée en constante augmentation non seulement pèse d'un poids écrasant sur la société française et sur la politique sociale, mais d'un poids qui ne va cesser de s'aggraver jusqu'à la rupture. Tu sais, on débarquera pas les clebs sans brillant les tympans, ni en braque en étant, mais en militant, rage entre les dents. Si ton vœu c'est race et culture entrelacée, t'as pas le temps de rêvasser, te prélasser, trop d'enculés massés. Chaque premier mais c'est leur panacé. C'est pas facile, chaîne, briser les chaînes des esprits canassés, placés sous le signe de la prise de conscience de position. Avant que ça prenne trop proportion, vite t'es le pénisson. Je baisse le peine, je suis pas au format, ce port me gêne. Je ramène un climat homogène, lui ou un autre, façon c'est la même. Faire ta pub à ce fils de pute où ça mène. Moi je suis pas politique, disons que j'ai mon éthique. Ils en iront tous dans leur enfer noir. Je crois en des choses qui datent du néolithique et ne néglige aucun détail de l'histoire. Il y a un nombre plus important de patronymes extérieurs à l'Europe que de patronymes d'origine européenne, bien évidemment. Moi je suis pas dans tes délires de grossophobie de l'immigration. Ça fait que je suis pas très gracieux, faut que tu t'arraches alors gratte donc. Sénégalais, Algériens, Marocains, y'avait besoin. T'en veux bien dans l'armée, mais pas la sécu pour le manque de soins. T'es illogique, man, c'est pour ça que je te condamne. T'engraines, jeune homme et jeune dame, dans tes discours qui n'ont pas d'âme. France reconstruite par des mammates, mauvais oeil, un mal, ça mal. Tu fais des stats, mal, ton logo de haine, tes matchs, le démat. Le pain est pas dangereux, c'est nous qui le sommes. Y'a qu'un seul objectif, c'est niquer les hommes. Quand y'a de la haine, ça commence à le faire. Sale crêle, sale arabe, sale juif, sale gouer. Et ouais, tu peux tomber dedans sans rien voir comme le bulletin qu'on met dedans. Le seul moyen de faire partir les porcs, c'est la carte électeur pour répartir les torts. La rue m'a prise comme une merde pourtant. La lacune, qu'est-ce que tu racontes? Moi j'ai vu près du bitume. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit quand j'ai tendu la main? Laisse la place à ceux qui en ont le plus besoin. Tu sais, j'ai connu l'odeur du sol dans une France démocrate où la liberté pour certains vit loin de tout critique. La rue fut pour moi une bonne mère à qui j'ai tout confié. Je trouve plus de sens au mot égalité, pourtant je suis né français. Dans les yeux des bâtards.